Rhapsodie 12. Ainsi le robuste fils de Ménoïtios prenait soin de Répylos dans ses tentes. Et les Argiens et les Troyens combattaient avec fureur, et le fossé et la vaste muraille ne devaient pas longtemps protéger les Danaïens. Quand ils l'avaient élevé pour sauvegarder les nefs rapides et le nombreux butin, ils n'avaient point offert de riches hécatombes aux dieux. Et cette muraille, ayant été construite malgré les dieux, ne devait pas être de longue durée. Tant que Hector fut vivant, et que le Péléide garda sa colère, et que la ville du roi Priamos fut épargnée, le grand mur des Achaïens subsista. Mais, après que les plus illustres des Troyens furent morts, et que parmi les Argiens, les uns eurent péri et les autres survécu, et que la ville de Priamos eut été renversée dans la 10e année, les Argiens s'en retournèrent dans leur chère patrie. Alors Posédaon et Apollon se décidèrent à détruire cette muraille, en réunissant la violence des fleuves qui coulent à la mer des sommets de l'Ida, le Rhésos, le Heptaporos, le Carésos, le Rhodios, le Grenikos, les Xépos, le divin Scamandros et le Simoïs. Autant de casques et de boucliers roulèrent dans la poussière avec la foule des guerriers demi-dieux. Et Phoebos Apollon les réunit tous, et pendant 9 jours dirigea leur courant contre cette muraille. Et Zeus pleuvait continuellement, afin que les débris fussent submergés plus tôt par la mer. Et Poséidon, lui-même, le trident en main, fit s'écrouler sous l'effort des eaux les poutres et les pierres, et les fondements que les Achaïens avaient péniblement construits. Et il mit la muraille au niveau du rapide Hellespontos, et sur ces débris, les sables s'étant amoncelés comme auparavant sur le vaste rivage, le dieu fit retourner les fleuves dans les lits où ils avaient coutume de rouler leurs belles eaux. Ainsi, dans l'avenir, devaient faire Poséidon et Apollon. Mais aujourd'hui, autour du mur solide, éclataient les clameurs de la guerre et le combat. Et les poutres des tours criaient sous les coups. Et les Argiens, sous le fouet de Zeus, étaient acculés contre les nefs creuses, redoutant le robuste Hector, maître de la fuite. Et celui-ci combattait toujours, semblable à un tourbillon. De même, quand un sanglier ou un lion, fier de sa vigueur, se retourne contre les chiens et les chasseurs, ceux-ci, se serrant, s'arrêtent en face et lui dardent un grand nombre de traits. Mais son cœur orgueilleux ne tremble ni ne s'épouvante, et son audace cause sa perte. Il tente souvent d'enfoncer les lignes des chasseurs, et là où il se rue, elle cède toujours. Ainsi, se ruant dans la mêlée, Hector exhortait ses compagnons à franchir le fossé. Mais ses chevaux rapides n'osaient eux-mêmes avancer, et en hennissant, ils s'arrêtaient sur le bord, car le fossé creux les effrayait, ne pouvant être franchi ou traversé facilement. Des deux côtés se dressaient de hauts talus, hérissés de pales aigus, plantés par les fils des Achaïens, épais, solides et tournés contre les guerriers ennemis. Des chevaux traînant un char léger n'auraient pu y pénétrer aisément. Mais les hommes de pied désiraient tenter l'escalade. Et alors Polydamas s'approcha du brave Hector et lui dit « Hector, et vous, chef des Troyens et des alliés, nous poussons imprudemment à travers ce fossé nos chevaux rapides, car le passage en est difficile. Des pales aigus s'y dressent en effet, et derrière eux monte le mur des Achaïens. On ne peut ici ni combattre sur les chars, ni en descendre. La voie est étroite, et je pense que nous y périrons. » Puisse Zeus, qui tonne dans les hauteurs, accabler les Argiens de 1000 maux et venir en aide aux Troyens, aussi sûrement que je voudrais voir à l'instant ceux-là périr tous, sans gloire, loin d'Argos. Mais s'ils reviennent sur nous et nous repoussent des nefs, nous serons précipités dans le fossé creux, et je ne pense pas qu'un seul d'entre nous, dans sa fuite, puisse regagner la ville. Écoutez donc et obéissez à mes paroles. Que les conducteurs retiennent les chevaux au bord de ce fossé. Et nous, à pied, couverts de nos armes, nous suivrons tous Hector, et les Achaïens ne résisteront pas si, en effet, leur ruine est proche. » Polydamas parla ainsi, et ce sage conseil plut à Hector. Et aussitôt, il sauta de son char avec ses armes. Et comme le divin Hector, les autres Troyens sautèrent aussi de leur char, et ils ordonnèrent aux conducteurs de ranger les chevaux sur le bord du fossé, et, se divisant en 5 corps, ils suivirent leur chef. Avec Hector et l'irréprochable Polydamas marchaient les plus nombreux et les plus braves, ceux qui désiraient, avec le plus d'ardeur, enfoncer la muraille. et leur troisième chef était Kébriones, car Hector avait laissé à la garde du char un moins brave guerrier. Et le deuxième corps était commandé par Alcatoos, Paris et Agenor. Et le troisième corps obéissait à Hélénos et au divin Déiphobos, deux fils de Priamos, et au héros Asios Hyrtakide, que ses chevaux aux poils roux et de haute taille avaient amené d'Arisba et des bords du Séléis. Et le chef du quatrième corps était le noble fils d'Anchisès, Aineias, et avec lui commandaient les deux Anténorides, Archélochos et Acamas, habiles au combat. Et Sarpédon, avec Glaucos et le magnanime Astéropaïos, commandaient les illustres alliés. Et ces guerriers étaient les plus courageux après Hector, car ils les surpassaient tous. Et s'étant couverts de leurs boucliers de cuir, ils allèrent droit aux Danaïens, ne pensant pas que ceux-ci pussent résister, et certains d'envahir les nefs noires. Ainsi les Troyens et leurs alliés venus de loin obéissaient au sage conseil de l'irréprochable Polydamas. Mais le Hyrtakide Asios, prince des hommes, ne voulut point abandonner ses chevaux et leurs conducteurs. Il s'élança avec eux vers les nefs rapides. Insensé, il ne devait point, ayant évité la noire Caire, fier de ses chevaux et de son char, revenir des nefs vers la haute Ilios. Et déjà la triste moire l'enveloppait de la lance de l'illustre de Calide, Idoménéos. Et il se rua sur la gauche des nefs, à l'endroit où les Achaïens ramenaient dans le camp leurs chevaux et leurs chars. Il trouva les portes ouvertes, car ni les battants ni les barrières n'étaient fermées, afin que les guerriers, dans leur fuite, pussent regagner les nefs. Plein d'orgueil, il poussa ses chevaux de ce côté, et ses compagnons le suivaient avec de perçantes clameurs, ne pensant pas que les Achaïens pussent résister, et certains d'envahir les nefs noires. Les insensés, ils rencontrèrent devant les portes deux braves guerriers, fils magnanimes des belliqueux Lapithes. Et l'un était le robuste Polypoïtès, fils de Peirithéos, et l'autre Léontéos, semblable au tueur Arès. Et tous deux, devant les hautes portes, ils se tenaient comme deux chênes sur les montagnes, bravant les tempêtes et la pluie, affermis par leurs larges racines. Ainsi, certains de leurs forces et de leur courage, ils attendaient le choc du grand Asios et ne reculaient point. Et, droit au mur, bien construit, avec de grandes clameurs, se ruait, le bouclier sur la tête, le prince Asios, Yamenès, Orestes, Adamas Asiade, Thoon, Eoinomaos. Et par leurs cris, les deux Lapithes exhortaient les Achaïens à venir défendre les nefs. Mais voyant les Troyens escalader la muraille, les Danaïens, pleins de terreur, poussaient de grands cris. Alors les deux Lapithes, se jetant devant les portes, combattirent tels que deux sangliers sauvages qui, sur les montagnes, forcés par les chasseurs et les chiens, se retournent impétueusement et brisent les arbustes dont ils arrachent les racines. Ils grincent des dents jusqu'à ce qu'un trait leur ait arraché la vie. Ainsi les reins éclatants résonnaient sur la poitrine des deux guerriers frappés par les traits. Ils combattaient courageusement, confiant dans leur force et dans leurs compagnons. Et ceux-ci lançaient des pierres du haut des tours bien construites pour se défendre, eux, leurs tentes et leurs nefs rapides. Et de même que la lourde neige, que la violence du vent qui agite les nuées noires verse, épaisse, sur la terre nourricière, de même les traits pleuvaient des mains des Achaïens et des Troyens. Et les casques et les boucliers bombés sonnaient, heurtés par les pierres. Alors, gémissant et se frappant les cuisses, Asios Hyrtakide parla ainsi indigné. « Père Zeus, certes, tu n'aimes qu'à mentir, car je ne pensais pas que les héros achaïens puissent soutenir notre vigueur et nos mains inévitables. Voici que, pareils aux guêpes, aux corsages mobiles, ou aux abeilles qui bâtissent leur ruche dans un sentier ardu, et qui n'abandonnent point leur demeure creuse, mais défendent leur jeune famille contre les chasseurs, voici que ces deux guerriers, seuls devant les portes, ne reculent point, attendant d'être morts ou vainqueurs. » Il parla ainsi, mais il ne fléchit point l'âme de Zeus qui, dans son cœur, voulait glorifier Hector. Et d'autres aussi combattaient autour des portes. Mais, à qui n'est point Dieu, il est difficile de tout raconter. Et çà et là, autour du mur, roulait un feu dévorant de pierres. Et les Argiens, en gémissant de cette nécessité, combattaient pour leurs nefs. Et tous les dieux étaient tristes, qui soutenaient les Danaïens dans les batailles. Et alors le robuste fils de Peirithéos, Polypoïtès frappa Damasos de sa lance sur le casque d'airain. Mais le casque ne résista point, et la pointe d'airain, rompant l'os, écrasa la cervelle, et l'homme furieux fut dompté. Et Polypoïtès tua ensuite Pilon et Orménios, et le fils d'Antimachos, Léon Létéos, nourrisson d'Arès, de sa lance perça Hippomachos à la ceinture, à travers le baudrier. Puis, ayant tiré l'épée aiguë hors de la gaine, et se ruant dans la foule, il frappa Antiphates, et celui-ci tomba à la renverse. Puis Léonthéus entassa Ménon, Yaménos et Orestès sur la terre nourricière. Et tandis que les deux lapithes enlevaient leurs armes splendides, derrière Polydamas et Hector accouraient de jeunes guerriers, nombreux et très braves, pleins du désir de rompre la muraille et de brûler les nefs. Mais ils hésitèrent au bord du fossé. En effet, comme ils allaient le franchir, ils virent un signe augural. Un aigle, volant dans les hautes nuées, apparut à leur gauche, et il portait entre ses serres un grand dragon sanglant, mais qui vivait et palpitait encore, et combattait toujours, et mordait l'aigle à la poitrine et au cou. Et celui-ci, vaincu par la douleur, le laissa choir au milieu de la foule et s'envola dans le vent en poussant des cris. Et les Troyens frémirent d'horreur en face du dragon, aux couleurs variées, qui gisait au milieu d'eux, signe de Zeus tempétueux. Et alors Polydamas parla ainsi au brave Hector. « Hector, toujours dans l'agora, tu repousses et tu blâmes mes conseils prudents, car tu veux qu'aucun guerrier ne dise autrement que toi, dans l'agora ou dans le combat. Il faut que nous ne servions qu'à augmenter ton pouvoir. Mais je parlerai cependant, car mes paroles seront bonnes. N'allons point assiéger les nefs achaïennes, car ceci arrivera si un vrai signe est apparu aux Troyens prêts à franchir le fossé. Cet aigle qui, volant dans les hautes nuées, portait entre ses serres ce grand dragon sanglant, mais vivant encore, et qu'il allait s'échoir avant de le livrer en pâture à ses petits dans son aire. C'est pourquoi, même si nous rompions de force les portes et les murailles des Achaïens, même s'ils fuyaient, nous ne reviendrions point par les mêmes chemins et en bon ordre, mais nous abandonnerions de nombreux Troyens que les Achaïens auraient tués avec les reins en défendant leurs nefs. Ainsi doit parler tout augure savant dans les prodiges divins, et les peuples doivent lui obéir. » Et Hector, au casque mouvant, le regardant d'un œil sombre, lui dit « Polydamas, certes, tes paroles ne me plaisent point, et sans doute, tu le sais, tes conseils auraient pu être meilleurs. Si tu as parlé sincèrement, c'est que les dieux t'ont ravi l'intelligence, puisque tu nous ordonnes d'oublier la volonté de Zeus qui tonne dans les hauteurs, et les promesses qu'il m'a faites et confirmées par un signe de sa tête. Tu veux que nous obéissions à des oiseaux qui étendent leurs ailes. Je ne m'en inquiète point, je n'en ai nul souci, soit qu'ils volent à ma droite vers Eos ou Hélios, soit qu'ils volent à ma gauche vers le sombre couchant. Nous n'obéirons qu'à la volonté du grand Zeus, qui commande aux hommes mortels et aux immortels. Le meilleur des augures est de combattre pour sa patrie. Pourquoi crains-tu la guerre et le combat? Même quand nous tomberions tous autour des nefs des Argiens, tu ne dois point craindre la mort, car ton cœur ne te pousse point à combattre courageusement. Mais si tu te retires de la mêlée, si tu pousses les guerriers à fuir, aussitôt frappé de ma lance, tu rendras l'esprit. » Il parla ainsi et s'élança, et tous le suivirent avec une clameur immense. Et Zeus, qui se réjouit de la foudre, souleva, des cimes de l'Ida, un tourbillon de vent qui couvrit les nefs de poussière, amollit le courage des Achaïens, et assura la gloire à Hector et aux Troyens qui, confiant dans les signes de Zeus et dans leur vigueur, tentaient de rompre la grande muraille des Achaïens. Et ils arrachaient les créneaux, et ils démolissaient les parapets, ils ébranlaient avec des leviers les piles que les Achaïens avaient posées d'abord en terre pour soutenir les tours, et ils les arrachaient, espérant détruire la muraille des Achaïens. Mais les Danaïens ne reculaient point, et couvrant les parapets de leurs boucliers de peau de bœuf, ils en repoussaient les ennemis qui assiégeaient la muraille. Et les deux Aïas couraient çà et là sur les tours, ranimant le courage des Achaïens. Tantôt par des paroles flatteuses, tantôt par de rudes paroles, ils excitaient ceux qu'ils voyaient se retirer du combat. « Amis, vous les plus vaillants des Argiens, ou les moins braves, car tous les guerriers ne sont pas égaux dans la mêlée, c'est maintenant, vous le voyez, qu'il faut combattre, tous tant que vous êtes. Que nul ne se retire vers les nefs devant les menaces de l'ennemi. En avant, exhortez-vous les uns les autres. Peut-être que l'Olympien foudroyant Zeus nous donnera de repousser les Troyens jusque dans la ville. » Et c'est ainsi que d'une voix belliqueuse il excitait les Achaïens. De même que, par un jour d'hiver, tombent les flocons amoncelés de la neige, quand le sage Zeus, manifestant ses traits, les répand sur les hommes mortels, et que les vents se taisent, tandis que la neige couvre les cimes des grandes montagnes, et les hauts promontoires, et les campagnes herbues, et les vastes travaux des laboureurs, et qu'elle tombe aussi sur les rivages de la mer écumeuse où les flots la fondent, pendant que la pluie de Zeus enveloppe tout le reste. De même, une grêle de pierres volait des Achaïens aux Troyens, et des Troyens aux Achaïens, et un retentissement s'élevait tout autour de la muraille. Mais ni les Troyens, ni l'illustre Hector, n'auraient alors rompu les portes de la muraille, ni la longue barrière, si le sage Zeus n'eût poussé son fils Sarpédon contre les Argiens, comme un lion contre des bœufs aux cornes recourbées. Il tenait devant lui un bouclier d'une rondeur égale, beau, revêtu de lames d'airain, que l'ouvrier avait appliqué sur d'épaisses peaux de bœuf et entouré de longs cercles d'or. Et, tenant ce bouclier et agitant deux lances, Sarpédon s'avançait, comme un lion nourri sur les montagnes qui, depuis longtemps affamé, est excité par son cœur audacieux à enlever les brebis jusque dans l'enclos profond, et qui, bien qu'elle soit gardée par les chiens et par les pasteurs armés de lances, ne recule point sans tenter le péril, mais d'un bond saisit sa proie s'il n'est d'abord percé par un trait rapide. Ainsi, le cœur du divin Sarpédon le poussait à enfoncer le rempart et à rompre les parapets. Il dit à Glaucos, fils de Hippolochos, « Glaucos, pourquoi dans la Lykie sommes-nous grandement honorés par les meilleures places, les viandes et les coupes pleines, et sommes-nous regardés comme des dieux? Pourquoi cultivons-nous un grand domaine florissant sur les rives du Xanthos, une terre plantée de vignes et de blé? C'est afin que nous soyons debout, en tête des Lykiens, dans l'ardente bataille. C'est afin que chacun des Lykiens bien armés dise « Nos rois, qui gouvernent la Lykie, ne sont pas sans gloire. S'ils mangent les grasses brebis, s'ils boivent le vin excellent et doux, ils sont pleins de courage et de vigueur. Ils combattent en tête des Lykiens. Ô ami, si, en évitant la guerre, nous pouvions rester jeunes et immortels, je ne combattrais pas au premier rang et je ne t'enverrais pas à la bataille glorieuse. Mais mille chances de mort nous enveloppent. Il n'est point permis à l'homme vivant de les éviter ni de les fuir. Allons, donnons une grande gloire à l'ennemi ou à nous. » Il parla ainsi, et Glaucos ne recula point et lui obéit. Ils allaient, conduisant la foule des Lykiens. Et le fils de Pétéos, Ménestheus, frémit en les voyant, car il se ruait à l'assaut de sa tour. Il jeta les yeux sur la muraille des Achaïens, cherchant quelque chef qui vint défendre ses compagnons. Il aperçut les deux Aias, insatiables de combat, et auprès d'eux Teucros, qui sortait de sa tente. Mais ses clameurs ne pouvaient être entendues, tant était immense le retentissement qui montait dans l'Ouranos. Fracas des boucliers heurtés, des casques aux crinières de chevaux, des portes assiégées, et que les Troyens s'efforçaient de rompre. Et alors Ménestheus envoya vers Aias le héros Thoos. « Va, divin Thoos, appelle Aias, ou même les deux à la fois, ce qui serait bien mieux, car c'est de ce côté que la ruine nous menace. Voici que les chefs lykiens se ruent sur nous, impétueux comme ils sont toujours dans les rudes batailles. Mais si le combat retient ailleurs les deux Aias, amène au moins le robuste Télamonien et l'excellent archer Teucros. » Il parla ainsi, et Thoos, l'ayant entendu, obéit et, courant sur la muraille des Argiens cuirassés, s'arrêta devant les Aias et leur dit aussitôt, « Aias, chef des Argiens cuirassés, le fils bien-aimé du divin Pétéos vous demande d'accourir à son aide, tous deux si vous le pouvez, ce qui serait bien mieux, car c'est de ce côté que la ruine nous menace. Voici que les chefs lykiens se ruent sur nous, impétueux comme ils le sont toujours dans les rudes batailles. Mais si le combat vous retient tous deux, que le robuste Aias Télamonien vienne au moins, et avec lui l'excellent archer Teucros. » Il parla ainsi, et sans tarder, le grand Télamonien dit aussitôt à l'Oïliade, Aias, toi, et le brave Lycomédès, inébranlable, excitez les Danaïns au combat. Moi, j'irai à l'aide de Ménestheus, et je reviendrai après l'avoir secouru. » Ayant ainsi parlé, le Télamonien Aias s'éloigna avec son frère Teucros, né du même père que lui, et avec eux Pandion, qui portait l'arc de Teucros. Et quand ils eurent atteint la tour du magnanime Ménestheus, ils se placèrent derrière le mur, à l'instant même du danger, car les illustres princes et chefs des Lycaens montaient à l'assaut de la muraille, semblables à un noir tourbillon. Ils se rencontrèrent, et une horrible clameur s'éleva de leur choc. Et Aias Télamonien le premier tua un compagnon de Sarpédon, le magnanime Épicléos, et il le frappa d'un rude bloc de marbre qui gisait, énorme, en dedans du mur, au sommet du rempart, près des créneaux, et tel que, de ses deux mains, un jeune guerrier, de ceux qui vivent de nos jours, ne soulèverait point le pareil. Aias, de son bras tendu, l'enleva en l'air, brisa le casque aux quatre cônes, et écrasa entièrement la tête du guerrier. Et celui-ci tomba du faîte de la tour, comme un plongeur, et son esprit abandonna ses ossements. Et Teucros perça d'une flèche le bras nu du brave Glaucos, fils de Hippolochos, à l'instant où celui-ci escaladait la haute muraille, et il l'éloigna du combat. Et Glaucos sauta du mur, pour que nul des Achaïens ne vît sa blessure et ne l'insultât. Et Sarpédon, le voyant fuir, fut saisi de douleur. Mais sans oublier de combattre, il frappa le testoride Alcmaon de sa lance, et, la ramenant à lui, il entraîna l'homme la face contre terre, et les armes d'airain du testoride retentirent dans sa chute. Et Sarpédon saisit de ses mains vigoureuses un créneau du mur, et l'arracha tout entier, et la muraille resta béante, livrant un chemin à la multitude. Et Aias et Teucros firent face, tous deux. Et Teucros frappa Sarpédon sur le baudrier splendide qui entourait la poitrine. Mais Zeus détourna la flèche du corps de son fils, afin qu'il ne fût point tué devant les nefs. Et Aias, d'un bond, frappa le bouclier de Sarpédon, et la lance y pénétra, réprimant l'impétuosité du guerrier qui s'éloigna du mur, mais sans se retirer, car son cœur espérait la victoire. Et se retournant, il exhorta ainsi les nobles Lycaens. « Ô Lycaens, pourquoi laissez-vous de côté votre ardent courage ? Il m'est difficile, tout robuste que je suis, de renverser seul cette muraille et de frayer un chemin vers les nefs. Accourez donc, toutes nos forces réunies réussiront mieux. » Ils parla ainsi et, touchés de ses reproches, ils se précipitèrent autour de leur roi. Et les Argiens, de leur côté, derrière la muraille, renforçaient leurs phalanges, car une lourde tâche leur était réservée. Et les illustres Lycaens, ayant rompu la muraille, ne pouvaient cependant se frayer un chemin jusqu'aux nefs. Et les belliqueux Danaïns, les ayant arrêtés, ne pouvaient non plus les repousser loin de la muraille. De même que deux hommes, la mesure à la main, se querellent sur le partage d'un champ commun et se disputent la plus petite portion du terrain, de même, séparés par les créneaux, les combattants heurtaient de toutes parts les boucliers au grand orbe et les défenses plus légères. Et beaucoup étaient blessés par les reins cruels, et ceux qui, en fuyant, découvraient leur dos, étaient percés, même à travers les boucliers. Et les tours et les créneaux étaient inondés du sang des guerriers. Et les Troyens ne pouvaient mettre en fuite les Achaïens, mais ils se contenaient les uns les autres. Et telles sont les balances d'une ouvrière équitable. Elle tient les poids d'un côté et la laine de l'autre. Et elle les pèse et elle les égalise, afin d'apporter à ses enfants un chétif salaire. Ainsi le combat restait égal entre les deux parties, jusqu'au moment où Zeus accorda une gloire éclatante au Priamide Hector, qui, le premier, franchit le mur des Achaïens. Il cria d'une voix retentissante, afin d'être entendu des Troyens, « En avant, cavaliers Troyens, rompez la muraille des Argiens !» et allumez de vos mains une immense flamme ardente. » Il parla ainsi, et tous l'entendirent. Ils se jetèrent sur la muraille, escaladant les créneaux et dardant les lances aiguës. Et Hector portait une pierre énorme, lourde, pointue, qui gisait devant les portes, telle que de très robustes hommes de nos jours n'en pourraient soulever l'appareil de terre sur leur chariot. Mais seul, il l'agitait facilement, car le fils du subtil Cronos la lui rendait légère. De même qu'un berger porte aisément dans sa main la toison d'un bélier et en trouve le poids léger, de même Hector portait la pierre soulevée droit aux haies doubles qui défendaient les portes, hautes, solides et à deux battants. Deux poutres les fermaient en dedans, traversées par une cheville. Et, s'approchant, il se dressa sur ses pieds et frappa la porte par le milieu. Et le choc ne fut pas inutile. Il rompit les deux gonds et la pierre enfonça le tout et tomba lourdement de l'autre côté. Et ni les poutres brisées ni les battants en éclats ne résistèrent au choc de la pierre. Et l'illustre Hector sauta dans le camp, semblable à une nuit rapide, tandis que les reins dont il était revêtu resplendissaient. Il brandissait deux lances dans ses mains, et nul, excepté un dieu, n'eût pu l'arrêter dans son élan. Et le feu luisait dans ses yeux. Il commanda à la multitude des Troyens de franchir la muraille, et tous lui obéirent. Les uns escaladèrent la muraille, les autres enfoncèrent les portes, et les Danaïns s'enfuirent jusqu'aux nefs creuses, et un immense tumulte s'éleva.